Yeah. J'allume les réacteurs, je pousse la manette, c'est difficile de choisir entre toutes ces planètes. Ma famille m'attend en bas, je n'ai pas une bonne destinée. Mon avenir est un tableau et c'est mes choix qui les dessinent. Je suis monté dans le train de mon destin, écoute ton instinct. C'est pas le sourd et si je me courbe, bah, ça me fait rien. Car à mon retour, je crois que je serai quelqu'un. J'ai mis du temps à me décider pour le faire, mais je tournais en rond, autant faire le tour de la terre. Je me barre à aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Là-bas, elle est pleine de ne pas faire d'ailleurs. Pour l'entendre sur ma branche, j'ai donc décidé de la scier. L'envie m'a pris par le bras, j'ai même pas eu le temps de m'habiller. Je sais que je suis une étoile, faudrait que je me mette à briller. Ceux qui me disent c'est impossible, n'ont jamais osé prendre leur billet. J'ai peur de partir, mais si ça me déçoit, je peux toujours revenir. Je voulais écrire moi-même les pages de mon scénario. Seul dans mon terrier, je voulais savoir ce que vivent les oiseaux. J'ai discuté avec la vie, et puis ce qu'elle m'a appris, c'est qu'on regrette moins d'être monté dans le train que de pas l'avoir pris. Autant de changer d'air et de teint. Oh, je ne vous donnerai pas trop d'un. Oh, vous inquiétez pas, je reviens bien. Oh, et j'entends le public crier. Au lit est mon seul passager. J'avais une soif à étancher. Au fond de moi, vous me manquez. À mon retour, je réchange. Tu sais, je regrette quand je regarde par la fenêtre tard le soir. Pour tous les gens qu'on aime et qu'on a trop souvent mis à l'écart. Promis demain, je me lève, enfin prêt pour le grand départ. Je vais le tenter, à mon retour, j'aurai changé. Tu sais, je regrette quand je regarde par la fenêtre tard le soir. Pour tous les gens qu'on aime et qu'on a trop souvent mis à l'écart. Promis demain, je me lève, enfin prêt pour le grand départ. Je vais le tenter. Je laisse les affaires dans un tiroir qui était trottoir de la ville qui m'a vu gamin. Au revoir, je me retourne pas, mais leur dis pas que je cache un miroir dans le creux de ma main. La routine, tu les rêves, les miens, d'ici, les potes disent où tu pars, c'est pour loin d'ici. Loin de ceux qui m'aiment, rester derrière moi, c'est pas la dernière fois, je reviendrai quand même. J'avais pas le cran, mais dans ma chambre, je rêvais d'autre part. J'ai mis du temps, mais l'important c'est pas trop tard. J'ai pas trop de plans, mais j'ai envie de finir les codes barres. Pour changer de train de vie, je file, j'ai quitté notre gare. Dans la valise, une carte postale et des objectifs que j'empilais entièrement. Prenez une photo de mon appart, y'a un costard pour mon mariage, mon enterrement. J'ai pris des élans, c'est parti, ouais, tu peux faire la même. Pour trouver la forme de ma vie, je crois que je vais refaire la mienne. Entre les pleurs, les regrets, les fous rires, mes nouvelles peurs ne seront que des vieux souvenirs. C'est dingue, le temps passe. Rien n'est passé, c'est trop longtemps que je suis en bas. Un équilibre sur la route, un paquet de souvenirs s'entasse. J'ai rempli la suite, quitte à faire les 100 pas, autant les faire sous la route. Je m'étais fait des fausses idées, j'ai rêvé, j'ai cogité. Je me laisse le droit de profiter. Si j'atteins pas la lune avant de crever, sans rancune, je n'aurai jamais été aussi près. Je me demande si je vais l'assumer. Quand je pleure, j'accuse la lumière ou la fumée. J'ai peur de m'étouffer ou bien d'abuser. Passe-moi les commandes, bien sûr que non, je conduis pas de fusée. Mais c'est pas ça le sujet, je me vois d'assurer. Au micro, au Big Flow, mais surtout pour Olivio. Au début, je me disais quand je serai grand. Maintenant, c'est surtout quand j'aurai le cran. J'en ressortirai pas entier. Je veux les vivre, l'écrire et les chanter. J'oublie les dangers. Un départ pour mieux rentrer. Santé, à mon retour, j'aurai changé. Hein. Tu sais, je regrette quand je regarde pas la fenêtre tard le soir. Pour tous les gens qu'on aime et qu'on a trop souvent mis à l'écart. Promis demain je me lève, enfin prêt pour le grand départ. Je vais le tenter, à mon retour j'aurai changé. Tu sais je regrette quand je regarde par la fenêtre tard le soir. Pour tous les gens qu'on aime et qu'on a trop souvent mis à l'écart. Promis demain je me lève, enfin prêt pour le grand départ. Je vais le tenter, à mon retour j'aurai changé. Tu sais, je regrette quand je regarde par la fenêtre tard le soir.